Vous avez l'habitude de regarder du catch avec Creston Radio, vous l'écoutez. Bienvenue sur notre podcast. Installez-vous, prenez un siège, mettez-vous à l'aise. Au programme de ce nouveau numéro, une interview. Et avant de présenter notre invité du soir, je vais accueillir mes deux copilotes du soir. Le premier, voue inculte aux trois fois champion du monde de la WWE, Diamond Dallas Page. C'est Renaud qui est avec nous ce soir. Bang! Salut Vincent et salut tout le monde. Ça va Renaud, t'as encore maté la WCW cet après-midi? Ouais, j'étais devant DDP contre Canyon. Oh là là. Non, pas que ça, mais je mate beaucoup de catch, c'est vrai. Sur le Bang Network. Tant qu'il n'y a pas Lex Luger. Il y était aussi. Pardon. Mon deuxième acolyte du soir est un fan inconditionnel de la TNA. Il n'est pas encore sous dépression, mais ça va bientôt arriver. Seb nous fait le plaisir d'être présent ce soir. Eh oui, on n'est plus beaucoup à être fan de la TNA et je suis encore présent, encore debout et encore vivant. Bonsoir à tous. Salut Seb. Salut Renaud. Et salut à notre invité qu'on va introduire dans quelques instants. Tu veux piquer ma place, Seb? Je te laisse le Merde, j'ai essayé trône. de le faire discrètement, mais je me suis fait griller. Ouais, espèce de Dino Good. Si vous suivez les différents podcasts de Restless Radio, vous savez qu'on propose assez régulièrement des interviews. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre feed iTunes. Donc on propose pas mal d'interviews, des stars internationales comme Gail Kim ou Matt Striker. Mais on propose aussi de vous faire découvrir les nouveaux talents de la scène française, les têtes d'affiche comme les futurs grands. Et ce soir, nous avons un espoir. Il n'est pas encore sélectionné par Didier Deschamps, mais ça pourrait arriver. Le petit ange est notre invité ce soir. Bah bonsoir à tous et à toutes. Et salut à toi, merci d'être venu, c'est sympa. Bah non, mais c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être là. Hein. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement? Alors oui, alors je suis le petit ange. Voilà. Non, bah je suis un catcheur de lycée WA. Et j'ai été entraîné à l'INFC, à Béthune. Et bon, ça va peut-être. Je vais déjà commencer à parler sur le petit. Au niveau de l'entraînement, au sujet de l'INFC, moi, j'ai pas été à. Je veux dire, à l'entraînement toutes les semaines. J'ai surtout été entraîné avec les stages en fait qui a eu lieu, comme j'habite pas du tout dans le nord en fait, j'ai fait les stages en fait durant plusieurs mois, et c'est ça qui m'a permis justement de d'apprendre le catch et de pouvoir en faire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert le catch? Alors moi je l'ai pas découvert. J'en ai bien sûr entendu parler quand j'étais enfant, mais c'est en fait en 2007, 2007-2008, où j'en ai vraiment entendu parler avec justement cette montée du catch qui est arrivée en France. Sur Et NT1 alors, sur ouais, la de chaîne, quoi? sur la chaîne NT1. Oui, bien sûr, et avec la chaîne NT1, mais en fait, c'est surtout sur un spectacle que j'étais allé voir à l'époque. Et là, ça a été. Pas l'illumination, mais entre guillemets, j'étais franchement, j'avais, c'est un des soirs où j'étais le plus heureux de ma vie, entre guillemets. C'était la première fois que je voyais ça, c'était franchement un truc incroyable. Et j'en suis ressorti avec plein d'étoiles dans les yeux, et c'est à partir de ce moment-là que, bah, entre guillemets, que j'ai commencé à regarder du catch et beaucoup de catch même. Et voilà, jusqu'en 2010 où et en 2010 j'ai décidé bah, de m'essayer justement un stage que faisait Booster à l'INFC et j'ai décidé d'y aller pour voir un peu comment ça se passait. Donc c'est le show que tu as vu en live qui t'a vraiment décidé à passer du simple fan de catch au catcheur. C'est pas les shows à la télévision, c'est plus le spectacle en live. Ah, c'est oui, c'est le spectacle en live. En fait, c'est le spectacle en live, entre guillemets, qui a fait que j'ai vraiment été fan. Ouais. Parce qu'avant, je regardais un petit peu, mais sans plus, et c'est vraiment le spectacle que j'ai vu, oui, à Bercy, à l'époque. C'est vraiment ça qui m'a donné envie, déjà, d'en faire et d'en regarder, et en plus d'en faire. C'était Raw ou SmackDown qui était venu? Ah, c'était SmackDown. D'accord. chose qui n'existe plus de nos jours, puisque maintenant c'est les WWE Live, ça s'appelle. Hein, donc c'était une Oui. autre époque. La Exactement. prochaine question que j'ai, c'est j'aimerais savoir quel est ton rythme d'entraînement pour le catch? Alors justement, comme j'étais mon rythme d'entraînement était assez à l'époque ou maintenant? Enfin, quand j'ai commencé ou à montrer, à apprendre ou en ce Oui, moment? à tes débuts et maintenant, ouais, ça peut être intéressant de voir la comparaison. Hein. Bah, à mes débuts, en fait, j'ai fait que des stages. Donc, la première fois que j'en ai fait, donc c'était en 2010. Après, j'ai attendu un certain nombre de mois, entre guillemets, avant de me décider à en faire assez régulièrement. Donc, j'ai essayé d'y aller environ. Les stages duraient à l'époque entre 3 et 4 jours, et j'ai essayé d'y aller une fois tous les 2 mois. Et ça, ouais, ça a duré. Moi, ça a duré quand même une bonne année. J'ai mis. D'ailleurs, je continue de temps en temps. Je continue d'ailleurs de temps en temps d'y aller, un peu moins maintenant. Mais par contre, je me suis mis aussi beaucoup à la musculation, bien sûr. Et c'est, je remplace justement les périodes où je peux pas venir, où je peux pas monter à la salle, je le remplace par la muscu. C'est clair, c'est un moment essentiel ça pour les catcheurs. Il faut passer par la salle de gym. Hein. Exactement. C'est primordial la muscu Exactement. dans le catch par rapport aux chutes, tout ça. On De l'apprend de quoi? suite, Oui, ça. on a. On l'explique aux jeunes catcheurs qu'il faut passer aussi, pas que par le catching ring, mais par beaucoup de muscu. Oui, bien sûr. C'est surtout. Oui, c'est surtout avoir le, entre guillemets, la musculature et le gabarit pour ne pas se blesser et savoir encaisser les chocs. Mais oui, on nous l'apprend. Et Après, si... moi, je suis pas forcément un bon. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur les shows, je suis pas encore un bon exemple parce que j'ai un petit gabarit entre guillemets. Mais je fais tout pour l'étoffer. Ouais, justement, c'est quoi ton style dans le ring? Est-ce que t'es plutôt face, plutôt heel? C'est quoi ton style en fait? Ah, moi, je suis un pure face. Non, je suis un. Je fais face, high flying, beaucoup high flyer, un high flyer de petite taille, mais qui se défend quand même pas mal. Et voilà, ouais, mais plutôt même baby face Ouais, ça me semblait être le cas aussi, mais bon, je voulais avoir confirmation. T'as vu le nom, ouais, c'est vrai que ça semblait logique. Et Hein? catch, ouais, vu le nom, comme l'a dit Renaud, ouais, c'est vrai que ça Le semblait nom, oui, logique, bah quoi. oui, bien sûr. Sinon, est-ce que ça te tenterait peut-être de faire un jour le rôle de heel? Ah bah oui, bien sûr, ça c'est ça pourrait être intéressant. Pour Petit l'instant, diable! j'ai pas. Ah, le petit démon. Ouais, bien sûr, ça justement, c'est intéressant d'aller dans un sens opposé à entre guillemets ma personnalité. Ça pourrait être sympa. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Est-ce que tu as pardon, des inspirations, des catcheurs que tu as suivis et qui t'ont inspiré dans ta façon de catcher? Bah, il y a déjà, bien sûr, quand j'étais fan, il y a tous les. Il y a des catcheurs tels que. Bah, bien sûr, je vais prendre Rey Mysterio comme exemple parce que c'est, entre guillemets, grâce à lui, à d'autres, bien sûr, que j'étais fan de catch. Mais bah, il y a Rey Mysterio, il y a qui d'autre? Il y a Pac, qui est Ouais. quand même énorme. Genre. En façon, il fait des trucs incroyables. Il y a Ricochet qui fait aussi des moves que je trouve super impressionnants. Ah, c'est Prince Puma, la Lucha Underground, hein, si je... Exactement. Ouais, c'est ça. Hein. Après, en fait, je prends pas un catcheur en particulier. Je regarde les catcheurs sur différents. Sur YouTube par exemple où, et je regarde surtout leurs moves et voir comment je peux déjà les utiliser, mais j'essaie surtout de me trouver un style à moi plutôt que essayer de plagier un autre. Donc je prends un peu partout et j'essaye de faire de créer mon propre style. Et sinon, est-ce que tu as quel est ton meilleur souvenir, pardon, dans le ring à ce jour? Meilleur souvenir. Tout. Tout carrément. Non, j'en ai beaucoup. Le premier match, bien sûr, qui est toujours le premier match en show, qui est toujours quelque chose d'incroyable. En plus, j'étais contre Peter Fischer. C'est pas Donc rien. c'est pas rien, exactement. Non, j'étais super fier de catcher contre lui. Et, bon, même si j'ai perdu, c'était franchement un moment assez inoubliable. Après, j'en ai plein d'autres. J'ai beaucoup aimé le Revolution 7 qui a eu lieu en mai dernier, où j'ai catché contre Cormac Hamilton. Et le fait de catcher Revolution 7, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, en tout cas à l'époque, en France, je pensais pas catcher un jour dans un show comme ça. Ouais, Après, d'ailleurs, bien sûr. sur Cormac Hamilton, c'est vrai Ouais. que tu l'as affronté à Révolution 7 et beaucoup vous considèrent comme un petit peu l'avenir de la ICWA. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Bah, je suis flatté, bien sûr. Je suis flatté, fier et en même temps, je sais pas. Ce serait bien. Après, ouais, Cormac Hamilton est un super catcheur, je trouve. Il se débrouille franchement super bien. Et Que maintenant, dire, ça donne envie d'aller encore plus loin, de se donner encore plus à fond dans ce qu'on fait pour justement devenir les meilleurs dans le catch. on a parlé du meilleur souvenir et maintenant on va poser la question inverse, le pire souvenir dans le ring. Il n'y a pas vraiment de pire souvenir parce que j'ai encore eu, pour l'instant, j'ai pas eu de blessé, je me suis jamais blessé sur un ring. Et après, c'est plutôt des expériences. J'en tire toujours une expérience. Et il y a un match contre Ryuji. C'était à la Japan Expo. Il y a, alors pas cette année, l'année dernière, je crois, où le match s'était très mal passé. En tout cas, dans mon souvenir, il s'était mal passé. Après, voilà, on fait avec. On réfléchit, on se remet en question, et de toute façon, je me remets toujours sur chaque match que je fais, que je trouve bon ou pas, je me remets toujours en question. Donc, Quand tu ouais, dis que le ça. match, excuse-moi, mais quand tu dis que le match s'est très mal passé, Ouais. tu parles au niveau de l'alchimie dans le ring avec ton adversaire, c'est pas ce que vous avez voulu à la base? Ah, c'est-à-dire qu'il y a certains mouvements que j'avais prévu de faire qui sont pas passés. Donc après, on fait avec pour sortir quelque chose. Mais non, reste, non, ce match-là était pas. Moi, je l'ai en tout cas, je l'ai pas franchement aimé. Après, au niveau du public, je sais pas. Encore une fois, même si moi, je trouve que. Même si moi j'ai l'impression qu'un match entre guillemets s'est mal passé, que j'ai perdu, voire même gagné, si le public est content à la fin, de toute façon je vais être. De toute façon, je suis heureux, quoi. C'est le but que je recherche. C'est faire divertir le public et les faire apprécier ce qu'on fait. Leur faire apprécier ce qu'on fait. Donc une question un petit peu générale pour continuer ce début d'interview. Est-ce que tu aurais un dream match, un match de rêve, si c'est possible, bien sûr? Un match de rêve. Réalisable? Bah, ou même un catcheur décédé ou retiré de ring, hein, c'est possible. Un réalisable et un non réalisable. Ouais, voilà. Comme ça, on remplit toutes les catégories. Alors, un réalisable, j'ai déjà eu la chance de catcher contre Peter Fischer, Lucas Di Leo, même Tristan Archer, j'ai fait un match contre lui. C'est déjà bien, je trouve. Après, bien, bah, j'espère Affronter Tommy Yen, par exemple, ce serait quelque chose de. Ce serait une bonne expérience et je pense que ce serait. En fait, j'ai envie d'affronter tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai Ça. envie vraiment d'affronter le plus grand nombre possible pour le faire en sorte de devenir meilleur. Mais sinon, comme. Après, bien sûr, il y a les catcheurs. En tant que fan, bien sûr, il y a Rey Mysterio. Après, ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais j'aurais bien aimé Chris Benoit aussi. En tant que catcheur, je parle bien. Je trouvais que c'était un catcheur incroyable à l'époque. Clairement. Peter Fisher et Lucas Dill nous ont fait un peu la même réponse. Je me souviens qu'on les avait interviewés. Je crois que c'est Peter qui avait dit que il n'y avait pas vraiment d'adversaire qu'il avait envie d'affronter. Qu'importe l'adversaire, le match pouvait être intéressant. Ça dépendait de la mentalité un petit peu du catcheur en face et de ce qu'il pouvait, travail qu'il pouvait effectuer ensemble. Exactement, et même en fonction de l'histoire qu'on raconte au public. Et encore une fois, moi, c'est à partir du moment où le public est ravi d'être là, ravi de nous voir, de nous voir l'un contre l'autre, je pourrais catcher, je pense, avec n'importe qui. Il n'y a aucun problème. Alors, tu as choisi comme nom de scène le petit ange, pardon. S'agit-il d'un hommage un peu caché à l'ange blanc, ou même pas du tout caché? Ah, D'autant plus que ta bah tenue à une certaine époque était toute blanche, si je ne me trompe pas. oui, c'est vrai, c'est vrai. Au départ, oui, bah ça, c'est comme ça qu'on, au départ, je voulais amener entre guillemets, le personnage comme étant faire, ouais, en même temps un hommage, mais sans le copier. Je voulais utiliser, faire un peu catcher old school. Bon, avec mon gabarit, c'est parti après dans le high flying et dans la voltige, mais oui, le nom est en partie tiré de l'ange blanc. Et après, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que le petit ange, ça lui faisait plus penser au petit prince, qui était aussi un ancien catcheur. Et alors là, par contre, le petit prince, je l'ai su qu'après. Mais ouais, voilà, au départ, c'était un hommage à tous ces anciens catcheurs qui ont fait que qu'on aime le catch. Alors plus récemment, il y avait à Laval un gros show ICWA, c'était le show Hexagone. Et tu avais fait équipe pour la première fois avec Senza Volto, et vous avez formé les Shooting Stars. Alors on a interrogé directement Senza Volto, on l'a contacté et il a une question pour toi. Et il nous Vas-y. demande, alors je parle comme si j'étais lui, depuis notre performance à Laval, j'ai reçu beaucoup de messages positifs de notre collaboration. Et toi, qu'en penses-tu? Bah, j'en pense qu'on risque de se reformer très bientôt. Même pourquoi pas sur un prochain show ICWA. Non, j'ai été absolument ravi de la prestation qu'on a faite. Je suis absolument ravi de l'équipe qu'on a formée. Et bah, j'espère que ça va continuer. Moi, Senza Volto, je l'adore, entre guillemets. Non, c'est un super partenaire et je m'entends très bien avec lui. Ouais, donc clairement, tu espères percer dans la division par équipe. Ah, ce serait une bonne idée. J'aimerais bien, en tout cas. J'aimerais bien. Pourquoi pas pour Révolution 8 un match French Flavor contre Shooting Star? Ah, ce serait très intéressant comme match. J'aime beaucoup. J'aime bien l'idée. On va kicker l'idée Faut à en Booster. parler au promoteur. Voilà. Booster, si tu nous écoutes. Non, mais ce serait, pourquoi pas. Mais non, c'est toujours un plaisir de faire équipe avec Senza et bah, je crois qu'on va refaire d'ailleurs équipe très bientôt. Je reste en contact en tout cas avec lui. As-tu déjà eu des interactions avec des lutteurs de renommée mondiale? On sait par exemple que Mason Ryan était présent à Révolution 7. Bon, Mason Ryan, il n'a pas non plus une carrière exceptionnelle, mais je veux dire, il est quand même passé par la WWE, il était dans la New Nexus, tout ça, donc il est Ouais, quand même passé chez McMahon. c'est déjà bien. C'est pas rien, quoi. C'est voilà, exactement. Est-ce que tu as croisé comme ça des catcheurs qui sont déjà passés à la télévision, des gars que le public peut connaître? Alors, j'ai croisé Mason Ryan, bien sûr. J'ai croisé aussi Tommy Henn. Ouais. De quoi? J'ai dit oui, mais je confirme, oui. Par contre, oui, par contre, j'ai pas eu entre guillemets d'interaction avec eux. C'est que je suis entre guillemets, je suis un grand timide. Non, mais entre guillemets, j'ose pas trop parler à des gens renommés. bien sûr, j'ai un peu discuté avec eux, mais sans plus, sans plus, sans plus. Par contre, alors après, si, après, il y a bien sûr Christophe Ajuste, j'ai discuté pas mal avec lui. Après, bien sûr, Tristan Archer, mais que les gens, entre guillemets, internationaux pourraient connaître. Non, Mason Ryan, Tommy Henn, pour l'instant, c'est tout. Mais c'est déjà bien, moi, je suis déjà ravi d'avoir pu faire leur connaissance. Pour ta courte expérience, ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as vu le show Révolution 7 puisqu'il est sorti en DVD? Et si tu l'as pas vu, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti général en tant que protagoniste? C'était énorme. C'était super. J'ai vu. Alors j'ai vu que mon... j'ai vu que je suis pas bien. J'ai vu que mon match. Justement, j'ai regardé mon match contre Cormac justement pour voir entre guillemets qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour m'améliorer. Après. Quand j'étais là-bas, j'ai fait mon boulot, quoi. Mais c'était super intéressant comme expérience. C'est quelque chose que je regrette absolument pas. Et le public était absolument fou. C'était trop bien. D'ailleurs, c'est pas, on va dire, c'est assez rare pour un show français de réunir autant de personnes. Je crois qu'il y avait environ 1 millier de personnes, ou au moins plus de 900 personnes présentes à Maubeuge. Est-ce que tu suis encore le catch à la télévision? Tu nous as dit que tu regardais beaucoup quand c'était sur NT1. Est-ce que tu suis encore la WWE par exemple aujourd'hui sur AB1 et RTL9 ou même une autre fédération comme la TNA, je sais pas. Est-ce que tu suis le catch aujourd'hui encore à la télé? Alors, à la télé, non. Par contre, il reste Internet. Non, après, je regarde, bien sûr, je regarde les nouvelles sur Internet, voir un peu ce qui se passe, notamment à la VVE, mais je regarde aussi un peu la TNA. Je regardais un moment, je regarde moins maintenant, pour ne pas dire plus, mais à un moment, je regardais. Non, bah, je me tiens aux nouvelles et encore une fois, je regarde les vidéos, je regarde des matchs justement pour m'en imprégner et voir ce que je peux en tirer. Est-ce que tu serais prêt à voyager pour te perfectionner dans le catch, aller en Europe pour commencer, et voir pourquoi pas dans les plus grands pays de catch comme le Mexique, le Japon ou les États-Unis? C'est un truc qui Ah bah, t'intéresserait? bien sûr, ça c'est des gros projets, mais bien sûr, je pense que c'est le but d'entre guillemets, toute personne qui veut aller de plus en plus haut. Après, il faut que je fasse, entre guillemets, faut que j'ai les moyens pour le faire, et ouais, il faut que je me donne surtout les moyens pour le faire. Et bien sûr, j'ai cette idée-là en tête. Mon but premier, en tout cas pour l'instant, c'est de catcher un peu partout en France. Et après, aller m'expatrier ailleurs, entre guillemets. D'accord. Alors on a une deuxième petite surprise, puisqu'avant on avait contacté Senza Volto, maintenant on a contacté aussi Booster, qui nous a aussi donné quelques mots à te glisser. Alors il a tout d'abord une question. Alors je vais de nouveau ouvrir les guillemets. et le citer. Je suis extrêmement fier de toi. Tu es un gars exemplaire dans le ring et hors du ring. Il est urgent pour les autres fédérations françaises de jeter un œil sur toi et sur l'équipe que tu formes avec Senza Volto. Voilà son message de booster. Qu'est-ce que une petite réaction? Ah bah c'est très gentil. Bah ça me fait bien sûr super plaisir. Après, ça c'est. Merci, j'ai que ça à dire, un grand merci, mais c'est. Merci, bah c'est surtout lui, bah c'est lui qui m'a, entre guillemets, tout appris. Donc merci à lui, merci. Merci pour tout ce qu'il m'a apporté. Mais ouais, ce serait sympa si. Bah si avec Senza on arrivait à faire une avec notre équipe si on arrivait à faire quelque chose de grand. Et Booster, en plus de nous passer ce message très sympathique, il y a une petite question pour toi. Quelles sont les trois règles de base que tu conseillerais d'appliquer à tous les jeunes qui débutent dans le catch et qui veulent réussir? Bah c'est pas en trois mots, je vais faire une phrase, c'est juste ne rien lâcher. Écouter ce que les gens ont à dire, les respecter et toujours vouloir aller encore plus loin dans ce qu'on fait, quoi. Et toujours et ne pas abandonner, surtout ne pas abandonner. Donc on touche à la fin de cette interview. Avant de dire au revoir à tout le monde et de te remercier d'être avec d'avoir été avec nous ce soir, on va rappeler qu'il y a un show de l'ICWA le 28 novembre à Mazingarbe. C'est un show au profit du Téléthon pour réunir des dons pour cette grande cause qui est le Téléthon. Et il me semble que le tarif est de 5 euros, ce qui est très peu pour un show de catch de la qualité que peut proposer l'ICWA. Un show où tu seras présent. Et il se dit dans les bruits de couloir du catch français que tu pourrais reformer l'équipe Shooting Star avec Senza Volto. Ah, ça risque peut-être d'arriver en effet. Donc, bah pour le savoir, hein, je vous conseille à tout le monde de venir le 28. Venez. Venez à Mazingarbe Mais dans le Pas-de-Calais entre Béthune et Lens. ouais, venez tous. On sera ravis de vous accueillir Voilà, jouer à la bonne et de vous humeur. recevoir comme il se doit. Exactement. Donc on te remercie d'avoir été avec nous ce soir. On remercie aussi Bah, Booster et Senza de nous avoir envoyé leurs petits commentaires. c'est moi qui vous remercie et je la remercie aussi du fond du cœur. On rappelle de notre côté qu'on sera en direct le 23 novembre pour la review de Survivor Series, le prochain pay-per-view de la 2-2. D'ici là, il y aura plusieurs podcasts qui vont sortir, notamment un vintage sur un vieux pay-per-view de Survivor Series. C'est quelle année déjà, Renaud? 1990, l'époque où Hogan et le Warrior étaient au sommet de leur art. Est-ce qu'il y avait Lex Luger? Non, ne t'inquiète pas, Luger, à ce moment-là, il est du côté de la NWA, te fais pas de soucis. Bon bah ça va, vous pouvez écouter alors ce futur podcast. Et vous pouvez écouter aussi le Catch moi si tu peux qui est sorti quelques jours avant cette interview. Donc plein de podcasts écoutés sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner et sur iTunes sur lesquels les podcasts sont également disponibles. On vous retrouve sur Facebook, sur notre Twitter, @Wrestlers Radio. Sur Facebook c'est Wrestlers Radio Parlons Catch. Et on vous dit à la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne après-midi, j'en sais rien. Faites de votre jogging comme il faut. Et on se dit à bientôt. Au revoir les amis. Salut les Salut, amis. au revoir. Ciao.